Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes plutôt en forme pour commencer cette nouvelle semaine. La dernière du mois de novembre, nous sommes le lundi 25 novembre. Nous souhaitons une bonne fête aux Catherine. Les dictons nous disent à la Sainte Catherine le porc queen, à la Sainte Catherine tout bois prend racine, Sainte Catherine vient toujours tout de blanc habillée. Sainte Catherine, toute fille, veut la fêter, mais point ne veut la coiffer. Et on termine avec un dicton qui nous vient de Bretagne et qui dit « Entre Catherine et Noël, tout bois est bon à planter ». Célébration internationale, aujourd'hui journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au Suriname, c'est la fête de l'indépendance vis-à-vis des Pays-Bas. Dans les événements qui se sont déroulés un 25 novembre, en 1915, Albert Einstein présentait sa théorie de la relativité générale à l'Académie royale des sciences de Prusse. Et en 1975, c'était l'indépendance du Suriname. Tout de suite, on écoute Lia qui nous parle du Téléthon. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo 107FM, bienvenue sur votre radio locale et avec nous aujourd'hui, Monsieur Germain, président du comité municipal des sports et de la culture et des loisirs de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Monsieur Germain, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous parlez aujourd'hui du Téléthon qui aura lieu cette année donc à Saint-Étienne-lès-Remiremont le samedi 7 décembre 2019, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, voilà. Qu'est-ce qui va se passer à cette occasion alors? Alors, il va y avoir tout d'abord donc du futsal, oui, organisé donc par le football club Saint-Étienne-Remiremont. D'accord. Voilà, donc avec les deux clubs. Ensuite, le soir, nous aurons le traditionnel repas couscous. D'accord. Voilà, donc avec une petite également tombola et puis une animation musicale. Eh bien super. Donc le football club, hein, il organisera une fois encore parce qu'il le fait tous les ans, il me semble, ce tournoi futsal. Oui, chaque année. Donc depuis qu'on a mis en place donc cette soirée. D'accord. Donc voilà, donc le foot participe chaque année donc au Téléthon. Super. Donc ça se passera dans la salle polyvalente. Alors dans la salle polyvalente, donc oui, le RSE Football Club, donc d'accord, à la salle polyvalente, donc okay, présidé par Christian Nikili, donc qui est toujours présent chaque année, donc à nos côtés. Super. Donc on leur remercie. Eh ben oui. Donc de 9h à midi pour les 6-7 ans, 13h30 à 17h. Alors voilà, tout à fait, c'est ça. Donc si jamais on veut se renseigner ou s'inscrire, on peut appeler directement eh bien, au 03 29 23 27 42, le président, donc Monsieur Christian Tout à fait. Voilà. Voilà, et vous aurez les renseignements donc auprès de Christian. Voilà, super. Pour la soirée couscous, ce sera animé par un groupe. Hein, il y aura donc de la musique. Voilà, un groupe qu'on avait déjà vu sur Saint-Étienne. D'accord. Qui était présenté lors du dernier forum, donc en 2016. On trouvait que c'était sympa. Donc c'est un groupe, ça s'appelle le groupe Anfag et Elmira. D'accord. Donc voilà, et ça pareil, pour des renseignements, là c'est en mairie, donc au 03 29 26 18 00, donc au service animation. Super. Donc vous pouvez déjà vous inscrire, donc d'accord, l'année dernière il y avait eu une centaine de participants. Oui. Voilà, donc cette soirée aura lieu à partir de 19h à la salle multi-activité. Voilà, surtout n'hésitez pas, hein, vous pourrez réserver avant le 3 décembre, c'est important. Alors en plus, ce n'est pas excessif, hein, 15€ par adulte, 7,75€ pour les enfants de moins de 12 ans, c'est précis. Et l'intégralité des bénéfices de ces deux manifestations sera bien évidemment reversée à l'AFM Téléthon. Tout à fait. On a tout voilà, dit. On a tout dit. Et puis il y a également Monsieur Guy Maurice de l'association Solex Galais qui participe et qui, pareil, on peut aller voir ses collections, sa collection de Solex. Donc route de Xénois. Et il reverse voilà tout ce qu'il a pu engendrer durant l'année au Téléthon. Wow, donc c'est un super geste qui est très appréciable aussi. Et ben bravo voilà, à merci lui. À lui. Voilà, tout à fait. Et ben Monsieur Germain, merci beaucoup pour merci ces informations. Merci à vous, merci Radio Gémozo. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Lia, voilà donc pour le Téléthon, c'est bientôt, c'est début décembre. Et maintenant on écoute Chris qui nous parle là aussi d'un événement important, c'est le don du sang pour ce mois de novembre qui d'ailleurs arrive eh bien, à son terme. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo, 107FM, c'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du Sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang, Lorraine, Champagne, pour le mois de novembre 2019 dans notre département. Tout d'abord, comme je le répète chaque mois, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et donc, pour répondre à cette exigence, il est très important d'aller donner son sang, dont voici les dates, pour le mois de novembre de notre département. Le mardi 26 novembre 2019, à Leval d'Ajol, à l'espace Dorothée, situé à l'adresse 71 Grande Rue, de 15h30 à 19h30. Le vendredi 29 novembre 2019, à Le Touly, à la salle polyvalente, situé à l'adresse 2 route du Petit Paradis, de 16h à 19h30. Je le répète une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, peuvent permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Tout de suite, on marque la première pause musicale avec le chanteur Bob Lind et son titre Elusive Butterfly. You might wake up some morning to the sound of something moving past your window in the wind. And if you're quick enough to rise, you'll catch the fleeting glimpse of someone's fading shadow. Out on the new horizon, you may see the floating motion of a distant pair of wings. And if the sleep has left your ears, you might hear footsteps running through an open meadow. Don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of. Across my dreams, with nets of wonder, I chase the bright, elusive butterfly of love. You might have heard my footsteps echo softly in the distance through the canyons of your mind. I might have even called your name as I ran searching after something to believe in. You might have seen me running through the long abandoned ruins of the dreams you left behind. If you remember something there that glided past you, followed close by heavy breathing, don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of. Across my dreams, with nets of wonder, I chase the bright, elusive butterfly of love. Nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love. Et voilà, c'était Bob Lind avec donc son titre Elusive Butterfly sur RGM. 8h40, on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés donc un 25 novembre 1933, naissance de Catherine Grant, actrice américaine, vue dans Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock ou encore Au cœur de la tempête. 1942, naissance de Bob Lind, chanteur de folk rock, compositeur américain. 1947, naissance de John LaRoquette, acteur américain vu dans La quatrième dimension, Star Trek 3 à la recherche de Spock dans le rôle de Maltz, ou encore la série Chuck dans le rôle de Juan Montgomery. 1960, naissance d'Emmy Grant, chanteuse américaine. 1965, naissance de Dougray Scott, acteur écossais vu dans Deep Impact, Mission Impossible 2 dans le rôle de Sean Ambrose, Taken 3 dans le rôle de Stuart St. John. 1966, naissance de Billy Burke, acteur américain vu dans Le Masque de l'araignée, la saga Twilight dans le rôle de Charlie Swan, à la télévision dans 24 heures chrono dans la saison 2 dans le rôle de Gary Matheson, Rizzolian Isle, Revolution dans le rôle de Miles Matheson, Zoe dans le rôle de Mitch Morgan ou encore Chicago Police Department. 1968, naissance de Jill Hennessy, actrice canadienne vue à la télévision dans New York Police Judiciaire dans le rôle de Claire Kincaid, preuve à l'appui dans le rôle de Jordan Cavanaugh ainsi que dans quelques épisodes de la série Las Vegas, The Good Wife dans le rôle de Rihanna Hecht, Blacklist dans le rôle de Margot Roquette ou encore Bull. 1971, naissance de Christina Applegate, actrice américaine vue dans Mars Attacks ou encore Bad Moms. 1979, naissance de Sandrine Bailly, ancienne biathlète française qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'argent et une médaille de bronze, au championnat du monde une médaille d'or, 2 d'argent et 5 de bronze. 1981, naissance de Xabi Alonso, ancien footballeur espagnol ayant fait carrière de 2000 à 2017 en jouant Real Sociedad, au SD Eibar, à Liverpool, au Real Madrid, au Bayern de Munich, entraîneur depuis 2019 de l'équipe B du Real Sociedad. 1984, naissance de Gaspard Ulliel, acteur français vu dans Le Pacte des Loups dans le rôle de Louis, Embrassé qui vous voudrez, Un long dimanche de fiançailles dans le rôle de Manek, récompensé du César du meilleur espoir masculin, dans Jacou le croquant dans le rôle de Jacou à l'âge de 20 ans, Hannibal Lecter, Les origines du mal dans le rôle d'Hannibal Lecter, Saint Laurent dans le rôle d'Yves Saint Laurent ou encore Juste la fin du monde dans le rôle de Louis, récompensé du César du meilleur acteur. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec la chanteuse Emmy Grant et son titre That's What Love Is For. Sometimes we make it harder than it is. We'll take a perfect night and fill it up with words we don't mean. Dark side's best unseen, and we wonder why we're feeling this way. Sometimes I wonder if we really feel the same, why we can be unkind, questioning the strongest of hearts. That's when we must start believing in the one thing that has gotten us. That's what love. Emigrant sur le 107 FM. 8h47, on parle météo. La météo. Ce sera une journée nuageuse avec des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour cet après-midi. Mardi, de la pluie en début de journée. Ensuite, on aura des éclaircies, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés prévus pour demain après-midi. Mercredi, journée mitigée, éclaircies et pluie, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévus mercredi après-midi. À savoir qu'on ne verra pas beaucoup le soleil, hein, malheureusement, cette semaine, avec en plus des températures qui vont diminuer au fil des jours. Hein. Pour le week-end prochain, on aura des températures de nouveau basses. On en reparlera, bien évidemment. Allez, à 8h48, tout pile, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football et les résultats de la Ligue 1. La victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face à Lille. Lyon s'est imposé 2-1 face à Nice. Strasbourg s'est imposé 4-0 sur la pelouse d'Amiens. Angers s'est imposé 1-0 face à Nîmes. Brest et Nantes ont fait match nul 1-1. Dijon s'est imposé 2-1 face à Rennes. Metz a fait match nul face à Reims 1-1. Bordeaux s'est imposé 2-1 face à Monaco. Saint-Étienne et Montpellier ont fait match nul 0-0. Et enfin, hier soir, Marseille s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Toulouse. En Ligue 2, Nancy a fait match nul à Grenoble, 1-0. En National 2, victoire à l'extérieur d'Épinal, 1-0. C'était à Saint-Maur. En National 3, victoire de Raon-l'Étape face à l'équipe 2 de Metz, 2-0. Et victoire de Thaon-les-Vosges, 2-1 face au club d'Ilkirch. On parle maintenant basket avec la Pro B, la victoire de Nancy face à Quimper, 76-72. En revanche, en National 1, défaite du Jet Vosges face à Andrézieux, 54-69. Un mot de hockey sur glace maintenant avec la D2. La logique a été respectée samedi soir à la patinoire de Poisson-Pré. Épinal, leader de sa poule, a battu Courbevoie avant-dernier, 7-0. Un mot de tennis avec donc la finale de la Coupe Davis World Cup. Elle opposait l'Espagne au Canada. Ce sont les Espagnols qui se sont imposés grâce au simple 2-0. Le double a été annulé. Nadal remporte ainsi sa 6e Coupe Davis et sans perdre un match ni 1-7. Et à noter que pour l'année prochaine, pour cette World Cup, la Serbie et la France ont reçu une wildcard, ce qui signifie accès direct aux phases finales. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour la France. Et on termine avec un sport d'hiver. Et oui, ça y est, ça reprend petit à petit. C'était du ski ce week-end. Le biathlon, ce sera le week-end prochain. On parle slalom. C'était en Finlande, à Lévis, et le Vosgien Clément Noël a terminé à la seconde place. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec M. Pokora et son tube même. 26 millions de vues sur internet. On peut classer ça dans les tubes. Tomber. Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar, si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé. Ta douleur, tu verras, ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou. Pokora sur RGM, un peu plus de 8h54 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de Clip Clap On Tourne avec Tanguy. 13h30, la rediffusion de La Cristoire du cinéma. 15h, Salut les 60 avec Gérard, consacré à Michel Polnareff. Et 20h, Le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.